Aujourd'hui, dans la connexion numéro 117, un blogueur suspendu pour avoir trop de personnalité, un ordinateur portable étanche, l'industrie du disque poursuit une famille sans ordinateur et la suite de notre dossier spécial pré-E3. En direct des studios de CIFU 89.1 FM à Trois-Rivières. C'est quoi? C'est la connexion. Tout de suite. Bonjour et bienvenue à la connexion numéro 117. Mon nom est Mathieu Plante, votre guide à travers la forêt lugubre de l'Internet. Et pour m'aider cette semaine, le patriote et son compatriote ou compatriote. Oh, ça marche. Oui. Ou bien son acolyte. Son acolyte. Hey, hey. Bonjour. Salut Mathieu, ça va bien? Bonjour Jess Millette. Bonjour Mathieu, hey, bonjour. Je vais parler à l'énergie. Hey, salut Mathieu. Oui. Comment ça va aujourd'hui? Salut Jessie, tout va très bien et toi? Hey, un spécial aujourd'hui, ne manquez pas ce soir à la cage au sport, un spécial de bière qui va aller deux pour un. Non. N'oubliez pas que vous êtes sur les ondes de Radio 89.1, c'est fou! Oh yeah! Voici 30 minutes, pas de pub! Excellent. De blitz musical. Non-stop. Non-stop. Nous allons parler de jeux vidéo non-stop. Jesse, on défonce aujourd'hui. Yeah! On défonce. Hey, non seulement on défonce jusqu'à 18h ce soir, donc évidemment pas la connexion elle-même, mais le spécial fin de session suit si vous écoutez le jeudi. Si vous écoutez la diffusion originale, on va être là de 13h à 18h pour l'émission spéciale fin de session. Mais d'ici là, on a tout plein de bonnes choses. Et si vous voulez discuter avec nous, vous pouvez le faire par téléphone au 819-376-5183, le 819-376-5183, via notre site internet au www.cif.ca/CNX ou sur le forum au cif.ca/forum. Au retour, on commence les nouvelles avec le fil et restez là. Voici Gold Lion de Yeah Yeah Yeah, tout de suite. T'es fin, Mathieu. Vous êtes toutes fins, toute la gang. Oh, c'est ça le problème. Il y a tout le monde beau. Fin. Ben, sinon, ils n'auraient pas donné une démission assez fou si on serait pas tous gentils. Ah. Tu comprends? On sens des fleurs. Ah, OK, on continue même jusqu'à 18h. Vous écoutez, c'est fou 89 FM. Sometimes we still behind the air and square, and I can see the miles ahead. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Avec Gold Lion, et juste avant c'était Real Summertime de D. Hein? D. Moi j'aime bien ça, Yeah Yeah Yeahs. Moi aussi, je trouve ça bon. Ouais, ça ressemble gros à Sheryl Crow, comme je disais, hors d'onde. À Sheryl La Crow, voix, là. Ah, ouais. Oh, ok, ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas hallucinant. C'est vraiment. C'était se demander si c'est pas sa soeur ou sa cousine. Là. Peut-être. Ça y ressemble beaucoup. Ce serait le fun. Hey, tu voulais que je t'importe comme ça? C'est beau, hein? Hey, mais voilà. Et que c'est le fun. On va y aller avec. Je sors du tuyau. Mm-hmm. On se prépare pour le spécial fin de session 2006 qui s'en vient à 13h si vous écoutez la diffusion originale du jeudi. Si vous écoutez le mardi, laissez donc faire. On commence par le fil de nouvelles, les nouvelles marquantes de la semaine en informatique et en jeux vidéo. Apple a obtenu un brevet qui décrit un écran composé d'éléments d'affichage et d'une multitude de caméras microscopiques. La demande de brevet a été déposée en juin 2004. Cette technologie décrit essentiellement une surface composée d'éléments offrant aussi bien l'affichage que la perception d'image, ce qui permettrait au dispositif d'être employé comme un écran et une caméra. En ce qui concerne les applications potentielles de cette technologie, le brevet décrit un système de vidéoconférence qui permettrait à l'utilisateur de garder en tout temps le contact visuel avec son interlocuteur. Le texte suggère également des utilisations possibles pour les téléphones mobiles et les assistants numériques personnels ainsi que dans le secteur médical. Fait que ce que tu me dis, c'est que je serais devant mon écran. Mm-hmm. Simplement, il n'y aurait pas de webcam à rien. Ce serait l'écran qui ferait la caméra et l'écran, finalement. Tout fait que t'as toutes tes informations, ton Word, ton texte est là, mais en plus, la personne te voit au travers de l'écran. C'est exactement ça. C'est le fun en moi. Ben, ça serait... Apple. C'est eux qui font l'innovation dans ce monde. Ben, c'est pour ça que j'ai pas critiqué. L'idée? Non, non, je suis d'accord avec toi. Non, même si ça aurait été n'importe quelle compagnie, c'est une très bonne idée. Mmh, absolument, absolument, absolument. On continue avec l'édition 2006 de eReadiness, une étude mondiale sur le développement numérique proposée par Economist Intelligence Unit et IBM, qui indique que l'écart entre les pays se réduit. Cette étude brosse un tableau du développement numérique dans le monde qui tient notamment compte de l'accessibilité et de l'utilisation d'Internet et des réseaux mobiles et de la qualité des services technologiques associés. La plupart des pays étudiés ont amélioré leur classement par rapport à celui de l'an dernier et souligne une réduction de la fracture numérique entre pays développés et en voie de développement. Le rapport classe le Canada au 9e rang des pays les plus branchés, derrière le Danemark, les États-Unis, la Suisse, la Suède, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Finlande et l'Australie. Et il s'agit d'une hausse notable puisque le Canada a occupé la 12e position du classement l'an dernier. On est quand même 9e, tu sais. On est bon. Mais? Mais pas aussi bon que d'autres. Non, c'est ça. On a encore une petite compte. Ça dépend dans quoi, oui. C'est parce qu'ici, on est comme du style à pas aimer ce qui vient d'ici. Mm-hmm. Fait que c'est en train de changer. C'est ce qui fait que ça va aider notre économie. La mise à jour du bulletin MS-06-015 de Microsoft a été publiée de nouveau afin de corriger les problèmes qui ont été constatés par un nombre d'utilisateurs qui est apparemment limité. Le premier bulletin a été publié le 11 avril et le correctif colmate les failles critiques du navigateur qui pouvaient avoir des effets secondaires indésirables chez certains utilisateurs. Les utilisateurs qui n'ont pas été touchés par ce bug et qui ont déjà appliqué le premier correctif n'ont pas besoin d'installer cette nouvelle version. Et les utilisateurs de Windows XP qui ont activé les mises à jour automatiques n'ont pas à se préoccuper de cette nouvelle publication. C'est que le premier patch qu'ils ont publié était lui-même un bug. Il causait des bugs. Hey. Il a fallu qu'ils publient un deuxième correctif pour le correctif. Ouais. C'est comme envoyer une mission pour sauver du monde. Pour sauver ceux qui ont été sauvés les autres, finalement. Je me suis mal pris, mais c'est pas grave. Non, c'était bon, j'aime ça comme comparaison. El País, un quotidien de Madrid en Espagne, lance un journal personnalisable et mis à jour en continu que les internautes peuvent télécharger, imprimer et emporter avec eux. À toute heure du jour ou de la nuit, les internautes peuvent obtenir des versions différentes de la publication puisque le contenu est continuellement renouvelé. Le journal 24 en espagnol? Oh boy, tu me poses toute une question. Je suis une bête de chiffres, là, mais... 24. 24. Non, du tout. 24 Horas est proposé en plusieurs éditions. Une version générale qui inclut les nouvelles les plus importantes, une mouture conçue pour l'Espagne, une version internationale et une contenant les actualités économiques. Après la sélection de l'édition désirée, le site d'El País génère le 24 Horas désiré en format PDF. Donc, très, très bonne idée. Un journal qui sort en PDF. J'aime ça. Bon, enfin. Tu peux le transporter comme tu veux. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Je sais pas le prix, par exemple. Ça m'intéresse. Ça doit être d'autres choses. Zone Campus, on devrait peut-être essayer ce modèle-là. Ah, peut-être. Donc, un graffiti sur Air Force One. Évidemment, c'est une blague, mais la farce avait l'air si vraie sur vidéo que l'armée de l'air américaine a bien cru que l'avion de George Bush avait réellement été la cible de vandales. C'est con. Les responsables et auteurs du vidéo ont dévoilé la façon dont ils s'y sont pris pour épater la galerie. Ils ont loué un Boeing 747 qu'ils ont ensuite peinturé à la manière d'Air Force One. Le graffiti en question disait « Still free » et avait été bombé sur la carrosserie de l'avion. Et la vidéo a commencé à être diffusée mardi dernier parce qu'elle a été prise sur vidéo. Mais c'est que vendredi que les arnaqueurs ont révélé le poteau rose. Le coût d'une telle entreprise, Echo refuse de dévoiler à combien s'est chiffré la location du monstre aérien. Ils disent que c'est pas bon marché. Il faut être riche pour le faire. Donc c'est une blague qui a coûté cher à Mark Echo. Ça. Mark Echo du jeu vidéo Mark Echo's Getting Up Contents Under Pressure. OK. Il y a les moyens, d'après moi. Faut avoir les moyens pour louer un avion, pour la peinturer. Juste pour faire une pour joke. La repeinturer comme qui était après. Là. Ouais, c'est ça. Ah, regarde. Le blog du journaliste Michael Iltzik, hébergé sur le site du Los Angeles Times, a été brusquement suspendu par les éditeurs pour des raisons d'éthique. Michael Iltzik, gagnant le prix Pulitzer en 1999 et chroniqueur sur latimes.com, tenait un carnet intitulé Golden State jusqu'à jeudi dernier, date à laquelle un dernier billet, une note laissée par les éditeurs, indiquait que ce blog avait été suspendu. D'après leur court message, les éditeurs expliquent que Michael Iltzik a avoué qu'il avait publié des commentaires sur le site du journal et sur d'autres sites en utilisant des noms autres que le sien, donc des pseudonymes. Cette stratégie irait à l'encontre de l'éthique journalistique de la publication qui requiert que les éditeurs et les reporters s'identifient lorsqu'ils font des interventions en public. Les éditeurs indiquent également qu'ils poursuivent leur enquête dans cette affaire. Un pseudonyme, t'as pas le droit de faire ça quand t'es journaliste, apparemment. Eh bien, c'est de la fausse propagande. Ah! Ce qu'ils jouent en background, est-ce que c'est une toune de Mario Kart? C'est une toune de Mario Kart. Aha. T'as bien deviné, ça s'appelle Mario Kart 64 Flag et of voilà. Every Color. Au 64 en plus. Aussi remix. Ouais, ben en fait, c'est justement, on pourra en parler tout de suite. C'est une compilation que j'ai téléchargée. Okay. Qui vient de aussiremix.com, qui est un site de remix de tunes de jeux vidéo. Et j'ai trié ça en choisissant les tunes de Mario. Et puis c'est ce qu'on va écouter tout le long de l'émission. Hein? Ben, c'est excellent parce que quelqu'un qui savait pas quoi s'en apercevait même pas. Ben, c'est ça. Ben, je le ramasse parce que tard, j'ai déjà joué à Mario 64, Mario Kart. Ça. Fait que ça m'a dit quelque chose. Ah, c'est et beau. Voilà. C'est beau. C'est drôle. Pardon. Une petite anecdote de 30 secondes, Mathieu, c'est que David, l'autre jour, hey, bonne ce truc-là, c'est sensuel. Bonjour. Ça vient de Mario Kart 64, lui aussi. C'est drôle. Mm-hmm. Mais justement, David, mon ami David de Funky Torch, de 6 à 7 heures ce soir. Les jeudis, soir. Ouais. Les jeudis soir. Mais c'est la dernière à soir. Les jeudis, soir. C'est jeudi ce soir. Jeudi soir. Ah, parce qu'on est, peut-être en rediffusion. Peut-être en rediffusion. Faut s'en rappeler de ça. Puis, bon, bref, David avait ramassé des tounes, une vingtaine de tounes. C'est des tonnes métal, mais de Nintendo, n'importe quel. Cool. Bubble Bubble. The Advantage. C'est-tu le groupe The Advantage? Je sais pas. Ça me tente de faire un spécial d'une demi-heure là-dessus, peut-être la semaine prochaine. Il y avait n'importe quelle tonne, puis les tonnes sont bonnes. Ils ont bien repris, les gars, tu sais. Mais ce qui était drôle, c'est que ça fait près de 20 ans qu'on joue plus au vieux Nintendo, ben là, on recommence un peu, là. Mais j'étais couché sur le divan dans sa chambre, puis à tout fait qu'il mettait une tonne, il était épaté, puis je disais Bubble Bubble. Il mettait une autre tonne, je disais 1942. Il mettait une autre tonne. Turtle, le premier. On le fera la semaine prochaine. C'est drôle. Je vais checker ça. Me lancer au défi. Ouais, on va te lancer au défi de deviner le titre de chaque jeu. Même des jeux plus rares, des fois, c'était drôle. Mais d'ici là, moi, je vais essayer de vous tenir au courant des tunes qui vont jouer en fond. Et on va en écouter des tunes complètes plus tard dans l'émission pour prendre quelques petites pauses. Parce que vu que l'émission de fin de session 2006 commence à 13h, on va comprimer notre contenu dans les trois premiers blocs. Et la dernière demi-heure va être que musicale. Faut se garder la salive. Faut qu'on relaxe un petit peu déjà. On est déjà fatigué. C'est la fin de session quand même. Et voilà. Hein? Donc on continue avec d'autres nouvelles. Microsoft Games a organisé cette semaine un événement original sur la plage de Coogee Beach en Californie pour célébrer la sortie de la Xbox 360 en Australie. Le but était pour le constructeur de battre le record mondial de la plus grande bataille de ballons à eau. Paris réussi pour Microsoft auprès du représentant du Guinness World Book of Records qui a confirmé le record. Et d'ailleurs, plus tard, si on a le temps, on va peut-être regarder la vidéo de ce qui s'est passé là-bas en Australie. Une bataille de ballons d'eau pour souligner le lancement de la 360 en Australie. Je n'ai jamais vu. C'est le fun! Ben, on va voir ça tantôt. Microsoft dévoilait cette semaine, à l'occasion d'un salon des professionnels de la vidéo se déroulant à Los Angeles, les nouvelles fonctions multimédia de Windows Vista. Microsoft indique notamment avoir mis en place une fonction pour assurer aux applications vidéo et audio un haut niveau de priorité du processeur lors de la lecture, ce qui veut dire que vos vidéos vont arrêter de sauter. T'sais, moi, souvent, je regarde des vidéos, je redimensionne, et à un moment donné, ils arrêtent, ils sautent, faut que je les entampons, puis ouais, je comprends ce que c'est. Là, ils vont donner la priorité à ça. Tu vas plus loin avec le curseur, puis ils gèlent. C'est vrai. Si t'as des gros MPEG de quelques gigs, puis là, t'essaies de changer de place dans le vidéo, il va arrêter pendant 30 secondes, puis il va repartir. Ben, même sous Mac, là, peut-être, parce que j'ai un vieux G4, là, mais même à là, je pense que ça le fait pas mal sur toutes les machines. Ouais. À moins que t'aies la meilleure bombe qui se fait actuellement, mais bon. Ben, de toute façon, quand tu regardes une vidéo, souvent tu regardes que le vidéo, donc ce serait bien que la priorité aille à ça puis que le reste soit secondaire. Oui, ben oui. Genre ton chat ou n'importe quoi pourrait être secondaire. Ben, je pense qu'à ce moment-là, c'est toujours la mise en question de l'utilisation du processeur par rapport au programme. C'est là-dessus qu'il faudrait que tu travailles, dans le fond. C'est vrai. Que le programme ait à utiliser le moins possible de processeur pour laisser place, comme tu dis, à la vidéo. Arrêtez de mettre le logiciel beaucoup trop beau et rondelet et puis faites un logiciel plus basic, peut-être. Ouais, ben à la limite, c'est pas grave s'il est aussi beau, mais faut qu'il run. C'est ça. C'est un petit peu comme la base Nintendo, je te parlais l'autre fois. Ils ont des prérequis, c'est pour ça qu'il y a moins de jeux que les autres. Ouais. Mais ils veulent pas de loading, ils veulent que le jeu soit fluide. Ouais. T'sais, ils ont bien des critères. Les critères qui sont importants d'ailleurs, puis que. Ben c'est ça. On les félicite pour ça. Fait qu'ils prendraient pas n'importe quoi. Ce que ça disait, c'est que Windows Vista va permettre de régler aussi le volume indépendamment pour chaque application plutôt que de manière globale, comme c'est le cas présentement. Par ailleurs, Vista va inaugurer un classement des périphériques par rôle, donc mettons général, musique, film, ce qui va permettre à une application de faire le son par un périphérique donné. Par exemple, disons le son de ces MP3 pourrait sortir sur les haut-parleurs du PC, alors que les alertes, mettons, d'un nouveau courriel ou d'un nouveau message dans MSN passeraient par les écouteurs, par exemple. OK. Très bonne idée, ça. Oui, très bon. Ben, à la limite, c'est comme le petit speaker qu'il y a sur un Mac, là, le nombril qu'on appelle. Mm-hmm. Mais ce serait bien qu'il y ait ça sur toutes les tours puis que les sons ils sortent par là. Ouais. Pas par le son out. Mm-hmm. Parce que, regarde, moi, quand j'écoute de la musique fort dans mon appartement, je suis branché sur mon ordinateur. Mm-hmm. Fait que du moment que toi, tu viens me parler sur MSN ou sur Radio, peu importe, ben, l'alerte que ça fait. Là, le son est enterré. Toi, tu l'entends bien, mais. Ouais, mais là, je l'ai baissé, mais il était très fort. Fait que imagine le son, c'est souvent des alertes assez évidentes. Fait que là, t'écoutes une toune super fort, ça fait cling! Ça a comme pas de bon sens. Ouais. Donc, c'est une très bonne innovation. Une des seules bonnes innovations que je trouve dans Vista jusqu'à maintenant, puis qu'ils n'ont pas encore annulé. Donc voyons s'ils vont laisser cette option-là jusqu'à la sortie de Windows Vista. Ça crée pas d'autres problèmes. Ils ont tellement enlevé d'affaires. Microsoft, parlant d'eux autres, ils viennent d'être condamnés par un tribunal américain à verser d'importants dommages et intérêts pour une histoire de violation de brevet. Cette fois-ci, il n'est pas le seul en cause, puisqu'on trouve à ses côtés l'éditeur Autodesk, spécialisé dans, dans les logiciels de conception numérique. C'est ceux qui font AutoCAD. Donc, en cause, deux brevets qui concernent des protections contre la copie et notamment le système d'activation à distance d'une licence pour lutter contre le piratage. Microsoft aurait utilisé les technologies correspondantes dans Windows XP et dans Office, alors qu'Autodesk est accusé d'y avoir recouru pour sécuriser son logiciel vedette AutoCAD. Microsoft s'est vu condamné à verser 115 millions de dollars à David Colvin, qui est le fondateur de la société Z4 Technologies, qui détient les brevets concernés, tandis qu'Autodesk devra dédommager ce dernier à hauteur de 18 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Il y en a de toute façon, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu te tannes d'avoir des poursuites de même. Fait que peut-être qu'ils devraient peut-être arrêter de copier les autres, peut-être. Ouais, c'est ça. Ils doivent avoir un budget juste pour ça. Ouais, un gros pourcentage de leur budget est fait pour les controverses, les plaintes puis les poursuites. Plusieurs enseignes spécialisées dans les ordinateurs Apple, donc les Apple Store, se sont récemment mis à vendre des machines qui embarquent à la fois macOS et Windows XP grâce au désormais célèbre Bootcamp publié par Apple en début d'avril. Pour un surcoût d'une centaine de dollars environ, les clients se voient proposer un MacBook Pro ou un iMac avec, en plus de l'OS maison, une version de Windows XP Home ou professionnel. Une pratique qu'Apple n'a pas l'intention de suivre. Et ça veut dire qu'ils vont pas accepter ça officiellement chez Apple. Mais s'ils le vendent, les détaillants qui proposent Windows XP sur Mac n'assurent aucun suivi et l'annoncent clairement. Ils se contentent éventuellement de demander aux clients de définir la taille de la partition qu'ils souhaitent allouer à l'OS de Microsoft et d'installer Bootcamp. L'ajout de Windows XP à l'offre des commerçants est également l'occasion d'offres promotionnelles pour ces derniers. Et chez certains d'entre eux, le surcoût pour disposer de Windows XP Home n'est que de 35 $. Donc, il y en a qui vendent ça pour un surplus de 35 $ à un Mac, ce qui est vraiment pas cher. Alors qu'une licence vendue au détail revient à près de 200 $. Eh bien, mais de toute façon, on sait que ça se fait, qu'à la limite, même s'ils ne sortent pas vraiment une version officielle acceptée par Macintosh, c'est sûr que ça va se faire par les maniaques, là. Par du underground. Et voilà. Fait que moi, si j'ai un Mac Intel, c'est sûr que je vais avoir Windows dessus pour essayer, genre, Oblivion. On peut l'appeler en français. Oblivion. Moi, je suis un patriote, j'ai de la misère. T'as pas le choix, tu sais, c'est de même que tu parles, on peut pas t'en vouloir. Oblivion. On va continuer avec d'autres nouvelles plus tard, mais avant d'aller en pause publicitaire, parce qu'on doit le faire, on va faire les top 5. Voici donc les mots-clés les plus recherchés par les Québécois selon la Toile du Québec. Voici le top 5. Recherche. En cinquième position, cinéma. En quatrième, recette. En troisième, l'Auto-Québec. En deuxième, annonce classée. Et le mot-clé le plus recherché au Québec, c'est horoscope. Comme toujours. Et maintenant, les 5 jeux les plus loués en club vidéo. En date du 23 avril, le top 5 location. En cinquième, sur PlayStation 2, on retrouve Kingdom Hearts 2. En quatrième, Tomb Raider Legends sur Xbox. En troisième, Battlefield 2 Modern Combat sur Xbox 360. C'est excellent. Très bon. En deuxième, Tomb Raider Legends sur PlayStation 2. Et le jeu le plus loin en date du 23 avril est Tomb Raider Legends sur Xbox 360. Est-ce que t'as vu de quoi ça a l'air? Non. Ça a-tu l'air excellent? Non. Tomb Raider? J'ai jamais trippé là-dessus. J'ai pas aimé ça moi non plus. J'aime pas ce genre de jeu-là. C'est plate. Non, le jeu où tu sautes puis c'est plate. Ouais, c'est ça. J'avais joué dans le temps à la PS1. Là, ouais. C'est pas terrible. Ouais. Je pense que c'est celui-là que j'avais essayé aussi. Sors d'un vaisseau, puis faut t'avancer, c'est bizarre. Ok. Je connais pas ça, mais j'aimais mieux Star Wars 64, tant qu'à ça. C'est le même player. Est-ce que tu parles de Tomb Raider ou de Battle quelque chose? Battlefield 2? Non, je te parle de Tomb Raider. Ah ouais? Oh, ouais, Battlefield, je l'ai, moi, au Xbox, pas 360. Tu compares Tomb Raider avec Star Wars? Pardon? Tu compares Tomb Raider avec Star Wars? Ben, la maniabilité à l'époque, là, je te parle sur PlayStation, puis le Star Wars... Shadows of the Empire, je pense. Je me souviens pas. Là. Il y en avait eu un au 64 qui était. Le bonhomme était dans l'écran. Là. OK. À troisième personne. Mm-hmm. Puis c'était la même maniabilité quand j'avais joué à Tomb Raider dans ce temps-là. OK. C'était un bonhomme, tu sors du vaisseau, tu débarques, puis c'est le même type. Okay. Tu arrives pour sauter ou avancer ou avec ton revolver, c'est le même principe. Mm-hmm. Même gameplay finalement. Ouais. Tu comprends? Ouais, je comprends. Non, j'essaie de faire d'autres comparaisons entre Star Wars puis Tomb Raider. Ouais, ben sinon... Genre Angelina Jolie puis la fille qui jouait dans Star Wars. Ouais. C'est une autre comparaison possible, ça se fait. Moi, je te parlais plus d'effet 3D. Ouais, je sais, ouais. Que les filles qui jouent dedans, Mathieu. Ah, c'est printemps, ça? Ah, c'est vrai, on est à côté de la chasse-galerie. RSL, il nous reste encore une heure et demie de connexion à faire avec vous. On va s'amuser. Et à 13h, pour ceux qui écoutent le jeudi, restez là parce que le spécial fin de session animé par moi-même et avec la participation de lui-même. Moi-même. Je vais essayer de rester le plus longtemps possible avec toi, Mathieu. Yes. Si je vois que t'es tout seul, Maurice. Cool. Jusqu'à 18h ce soir. Si vous écoutez le mardi, restez là. Encore une heure et demie, ça va être la fin. On veut pas être prétentieux, mais ça va être bon. T'sais. On va faire une espèce de blitzkrieg de toutes les meilleures tunes. Ouais. Tantôt, si ça tente, je te suggérerais un petit bloc québécois. Yeah. Ou un petit bloc de rock. Vu que mon émission n'est pas concentrée de rock, j'aimerais ça faire un petit bloc, peut-être. Cool. 15 je vais minutes, t'en laisser. Genre 4-5 tunes collées. Là, on en aura plein. Du Doors, là. Puis yeah. Puis Led. On voudrait pas rendre les gens du mardi jaloux, donc allons en pub. Ouais. Revenons après avec plus de connexions. On parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo avec Jesse Millette et Mathieu Plante sur CFOU 89.1 FM. Bon retour, c'est la deuxième demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, avec Jess Millette à ma gauche et Mathieu Plante, ça c'est moi. Raw rap content. Rap content. Et voilà. Donc, on est de retour à la connexion et on va continuer avec encore quelques nouvelles, parce qu'on va passer le plus vite à travers ça pour se rendre à la fin vers le drapeau d'arrivée. Récolter des points à cause du temps qui nous reste et avoir des feux d'artifice. C'est ça qu'on veut faire. Oh. Après ça, on rentre dans le tuyau puis on va dans la terre. Oui. Puis on sort sur des Goombas puis il y a une fleur à un moment donné. Oui. Puis c'est l'école des scènes sur le chemin. Mais il y a des dinosaures aussi. Yeah. Oui, des dinosaures. Ils sortent de la lave. Ah, tu parles de Bowser. Hey, c'est quoi, le Bowser ou la petite bébite dans Mario World là, qui sort de la lave. Oui, il est mauve. Là. Hein? Mais c'est quoi que j'ai entendu, je pense que c'est David Leblanc justement, qui disait que les tortues, il appelait pas ça des tortues. Non, c'est les Goombas, il appelait ça des champignons. Là. Ah ouais, c'est bien bizarre. Ouais, mais ça, il y a eu plein de termes. Les tortues, c'était des canards. Toad, il y en a qui l'appellent Toad. Toad. Hey, Toad, je pense que je prends Toad. Ou Todd, moi c'était Todd que le monde disait. Ma mère a joué une couple de fois à Mario 1, puis maudite poule, tasse-toi. Tu sais, les tortues, elle trouvait que c'était des. Elle appelait ça des poules, c'est drôle. J'ai entendu ça deux fois dans ma vie. Ah ouais. Une maudite poule. Je le crie, ça n'a pas l'air d'une poule. Poule, ça n'a pas rapport. Ça a plus l'air d'une tortue ça, avec, la carapace, avec une face ça, de ça canard. Là, mais... Surtout que tu sais quand tu sautes dessus, ça fait une carapace puis tu peux la pitcher. Fait que... une poule bionique. Quand ouais, mais là, il faut lui laisser le bénéfice qu'elle n'a jamais connu les jeux vidéo. Elle joue les points à Mario. Mais oui, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr. Enfin, bon. Donc... On va retourner à de la musique de Mario, tiens, pour comme fond. Ça va être pas mal intéressant. J'aime ça. Moi, regarde bien ça, gars. Tu vas me dire quel jeu que c'est, par exemple. Okay? Oh. C'est encore un jeu de devinette. C'est absolument des jeux de Mario. C'est tout le temps des jeux de Mario. Ça peut être n'importe quel Mario ou n'importe quelle console. Non, mais celle-là ben est plus difficile, ouais, celle-là. C'est, ça, c'est dans Mario 64. C'est dans Mario 64. C'est Haunted Hell. Dans la maison hantée. Oui. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de petits carillons de même à l'arrière, il semble. En tout cas. C'est pas... tu sais, à un moment donné, tu vas dans un genre de souterrain. C'est comme dans une cage. Ouais, c'est la maison hantée. Ouais, c'est vrai. Tu descends en bas, puis il y a un genre de carrousel. C'est dur, ça. À un moment donné, t'as un carrousel qui tourne. Ouais, je me rappelle. Je l'aimais bien. Mario 64, très bon jeu. Ceux qui n'ont pas encore joué à ça, vous êtes dans le passé. En tout cas. Ouais. Donc, on continue avec le fil de nouvelles, les nouvelles marquantes du monde de l'informatique et des jeux vidéo de cette semaine. Toujours dans le cadre de la lutte contre le piratage de ses produits, Microsoft vient de lancer le pilote d'un projet de vérification de la légalité des licences pour la suite bureautique Office dans la lignée du projet Windows Genuine Advantage. Tu connais, si tu veux aller sur Windows Update, il faut que tu prouves que tu as une copie légale. Là, ils veulent faire la même affaire avec Office. Ça s'appelle le Office Genuine Advantage et ce nouveau programme va être dans un premier temps testé en 7 langues, le portugais, le tchèque, le grec, coréen, chinois simplifié, russe et espagnol. Donc ça continue et là, à un moment donné, vous pourrez même plus utiliser Word. Là. Ça va être... C'est rendu chinois en maudit. Non, chinois simplifié qu'il disait pas. Je comprends, mais chinois, ça c'est... Quand on était jeune, on louait un jeu, puis maudit, c'est bien chinois. Ça voulait dire qu'on comprenait rien. On savait pas ce qui se passait. Qu'on était donc raciste. On tournait l'échangeur de Panama. Non, c'était pas raciste. Non, c'était comme. Ouais. Compliqué, dans le sens. Donc bien noir. C'est donc bien compliqué. C'est compliqué. Parce que la langue chinoise est très complexe. Et compliqué, ouais, il y a beaucoup de caractères. Mais le chinois simplifié, c'est plus simple, par exemple, d'où le nom. Ouais, ou le chinois traduit en français. Mm-hmm. Le English, souvent qu'on voit, le English. En tout cas. On continue avec Sony. qui a annoncé la version 2.70 du firmware de la PSP, c'est-à-dire le comment qu'on appelle ça, le logiciel qui vient à bord de la PSP. Donc la version 2.70 est maintenant disponible via le yourpsp.com. Cette mise à jour du firmware est à la fois offerte pour le Japon, l'Amérique du Nord et l'Europe. Et cette version-là ajoute le support du Flash, ce qui signifie que vous allez pouvoir désormais voir du contenu interactif via les sites Internet sur lesquels vous naviguez. Cette mise à jour vous permet aussi d'utiliser le lecteur intégré RSS, donc pour lire des nouvelles et ainsi pour faire jouer des fichiers audio, des podcasts, balado-diffusion sur votre PSP. Très intéressant. C'est bien. Et vous pourrez aussi télécharger des fichiers audio pour ensuite les enregistrer sur la barre de mémoire afin de les écouter quand vous le voulez. Le support auditif AAC a été ajouté aussi. Ça, c'est les pièces qu'on voit souvent sur iTunes. Hein? Les AAC, c'est sur Mac, ça, les AAC. Je crois que oui, me semble. Je suis pas sûr, par exemple. Aussi, le support de la Location Free TV, transmet des signaux télévisuels et vidéo d'un ordinateur à Internet. Ces signaux peuvent ensuite être captés par la PSP via un réseau sans fil et la console peut accéder à du contenu télévisuel en direct et préenregistré, en plus de pouvoir établir des temps de visionnage selon vos besoins à distance. La console devient donc wireless? C'est spécial. Elle est déjà wireless, par exemple. Ah, c'est vrai. La PSP. Oui. Mais c'est que là, via le wireless, elle va pouvoir transférer du vidéo. Ah. Magnifique. C'est bien. Belle victoire pour Samsung, qui fournit déjà une partie des mémoires flash utilisées par Apple pour son iPod Nano. Et bien, c'est lui qui va produire les puces de décompression numérique qui vont être utilisées dans les prochaines générations de baladeurs iPod, à la place de l'ancien partenaire d'Apple qui s'appelait Portal Player. La puce de Samsung est basée sur un processeur 32 bits conçu par ARM Holdings, et Samsung remporte une belle victoire sur son concurrent américain qui annonçait la semaine dernière dans un communiqué d'avoir été évincé des discussions avec Apple. Cet important contrat fait du Coréen le principal fournisseur d'Apple pour ses baladeurs et devrait permettre à Samsung de resserrer encore les bons liens qu'ils entretiennent avec ce dernier, tout en dégageant de confortables profits. En revanche, on peut désormais se demander si Samsung aura intérêt à continuer la production de ses propres baladeurs. Ou est-ce qu'ils vont juste aller avec leur iPod et domper leur propre lecteur parce que ça ne sert plus à rien? Ils vont faire de l'argent pareil. Ouais. Mais pas autant, ouais, c'est pas autant. Pas autant. Ouais. Mais... parlant de ça, juste une petite parenthèse. Oui, mon coloc s'est acheté un iPod, le nouveau 30 gigs vidéo. C'est oui, assez hallucinant. Le 5e génération, je l'ai vu. Mais c'est assez écœurant. Hey, la vidéo, elle sort vraiment, mais vraiment bien. Malade. Tu peux player ton fil direct en S-vidéo sur ta télé. Oui. On l'a pas essayé encore, mais on va l'essayer d'ici les prochains jours. Ça doit être bon sur une télé parce qu'on sait que la résolution d'une télé est très, très petite. Oui, oui, c'est ça. Donc, même des vidéos tout petits sur iPod vont sortir bien sur une télé. Ah, ça va sortir super bien, surtout en S-vidéo, puis comme ma télé est Color Stream, là. Mm-hmm. Fait que, ça va sortir super beau. On essaiera ça, en fait, semaine. Puis j'ai hâte de voir le vrai iPod vidéo, le vrai, avec un gros écran, là, peut-être qu'il va prendre tout l'appareil. Mais moi, ce que j'ai hâte aussi. Oui. C'est qu'ils ont parlé, mais je sais pas si c'est vrai par rapport à Apple, ils ont parlé de sortir un iPod que l'écran serait tactile. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça que tu parles, dans le fond. Ouais, c'est la grosseur du iPod. C'est ça. Complètement à l'horizontale. Je pense que c'est pas iPod. Pas iPod. Apple ont démenti le fait que c'était eux autres qui créaient ça, finalement. Je pense que c'était soit une rumeur ou sinon une compagnie. Je pense que c'était juste une rumeur que le design qu'on avait vu sur Internet serait celui-là. Moi, je dis qu'Apple prévoit ça, mais les images n'étaient pas d'eux autres. Ouais. C'est pour ça qu'ils démentissaient, disant c'est pas nous autres, on n'a pas fait ces images-là, ça n'a pas rapport. Ouais. De toute façon, il aime bien mieux arriver avec quelque chose sans le dire. Là. Comme là, ils ont sorti un nouveau ProBook. Le MacBook Pro 17 pouces. Je pense que je vais en parler plus tard. Ça. En tout cas, on en reparlera. Ouais, mais justement, ils viennent de sortir ça. Mais tu sais, ils avertissent pas puis ils ont déboussolé tous leurs concurrents. Parce que d'habitude, ils sortaient toujours, mettons, en janvier. Ouais. Avant, c'était tout indéfini. Ils étaient trop prévisibles avant. Ben, c'est ça. Ouais. Alors, là, ils sont arrivés, paf! Tiens, on vous surprend. Une petite surprise, j'aime ça. Moi. Ouais. Apple, puis plus ça va, plus qu'ils font des bons deals, puis que ça s'en vient moins cher, plus accessible. C'est ça qui est intéressant. Oui, justement, on va parler plus tard du fait que les iPods vont peut-être baisser de prix. Oh. Mais ça va être plus tard. Avant ça, dernière nouvelle, tiens, du bloc du fil. C'est le fun, on a déjà fini le bloc des nouvelles. Mais longue nouvelle et quand même importante. À l'occasion de la journée de la propriété intellectuelle qu'on appelle la World Intellectual Property Day, qui se tient tous les ans depuis 2001, le 26 avril, un groupe d'artistes canadiens a décidé de se regrouper en coalition des créateurs canadiens de musique, la Canadian Music Creators Coalition, l'alliance qui regroupe entre autres des musiciens et des groupes comme Sum 41, Avril Lavigne, Sarah McLachlan ou les Bare Naked Ladies, se fixe trois principes fondamentaux qui ne font pas précisément la part belle aux mesures techniques de protection, les fameux DRM. Ça, c'est un article français, comme on peut le voir. Donc, citation maintenant. poursuivre nos fans est destructeur et hypocrite. Les DRM sont dangereux et contre-productifs. Les artistes ne soutiennent pas l'utilisation de verrous numériques qui augmentent le contrôle des labels sur la distribution, l'usage et le plaisir de la musique ou des lois qui punissent le contournement de telles mesures techniques. Encore une autre citation, la politique culturelle devrait encourager les artistes canadiens. L'objectif pour les artistes rejoignant cette coalition, exprimé dans un communiqué PDF, est de présenter un front uni, prenant en compte les intérêts réels des musiciens et pas ceux des majors, les compagnies majeures, face aux heurts que connaît l'industrie musicale au Canada comme dans le reste du monde. Ils en profitent pour manifester clairement leur opinion face aux mesures techniques de protection placées sous les feux de la rampe en France suite au tumultueux débat concernant le projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, ce qu'on appelle le DADVSI, et j'en ai parlé il y a quelques semaines de ça. Les liens sont d'ailleurs sur le site de l'émission, qui devrait reprendre au Sénat à partir du 4 mai prochain. Donc, pour lire l'article, pour voir les détails, pour aller lire les articles des semaines précédentes, allez sur le www.cif.ca et cliquez sur la connexion en bas à droite. Belle place où aller sur le cif.ca. Beau site. Maintenant, évidemment, on ne peut pas parler de tout ici à la connexion, vous le savez. Donc, voici quelques nouvelles un peu moins intéressantes, mais quand même importantes. Voici les grands titres. Attention! On se prépare, on est prêt, on y va et go! Sony annonce que la PlayStation 2 est maintenant vendue à 139$ canadiens ou 129$ US. EA Sports annonce que c'est Shawn Alexander qui sera sur la couverture de Madden NFL 07. Le magazine japonais Shonen Jump part la rumeur d'une DS Lite noire. 2K Games annonce l'adaptation vidéoludique de l'émission Les Griffins sur PlayStation 2, Xbox, GameCube et PC. Microsoft prépare un service de stockage de données en ligne baptisé Live Drive. Paris Hilton lancera sous peu sa propre ligne de jeux conçue pour les téléphones sans fil. eBay lance eBay Express qui permet d'acheter des produits de façon traditionnelle comme sur Amazon. Apple déclare que le prix moyen de vente de l'iPod pourrait baisser d'ici le mois de juin. Et Apple agrandit sa famille de portables avec processeur Intel en annonçant le MacBook Pro 17 pouces. Pour en savoir plus sur ces nouvelles, visitez le www.cif.ca/CNX. C'était des nouvelles qui ne valent qu'un grand titre. Au retour, on parle de Google Watch, parce qu'à chaque semaine, Google et leurs amis engins de recherche nous surprennent et la chronique Google Watch vous renseigne sur leurs va-et-vient. Mais avant, en musique, une autre toune de Mario, parce que j'aime ça. J'en avais trouvé une qui était vraiment, vraiment bonne. Je vous la fais jouer dans quelques minutes. Vous écoutez La Connexion, on parle technologie, informatique et jeux vidéo. À C'est fou 89.1 FM. Like that, you know. We'll have to do it all over again. A Scholar and a Physician avec Super Mario Brothers Dirty Mix OC Remix de la compilation Overclock Remix. À la connexion, on parle technologie informatique et jeux vidéo. Et plus tard, vous allez avoir la chance d'entendre plein d'autres pièces comme ça non-stop dans la dernière demi-heure de la connexion. Ça commence dans même pas une heure. Moins que ça. Pas mal moins que ça. On continue avec la chronique Google Watch parce qu'à chaque semaine, Google et leurs amis engins de recherche nous surprennent et la chronique Google Watch vous renseigne sur leurs va-et-vient. Le numéro mondial des moteurs de recherche a publié cette semaine les résultats financiers de son premier trimestre 2006, alors que la dernière annonce de résultats, pourtant fort bons, avait déçu les investisseurs. Il semblerait que cette fois, la bourse soit satisfaite. Le bénéfice net de Google a grimpé de 60% sur le premier trimestre. Son chiffre d'affaires, qui repose toujours essentiellement sur la publicité, a enregistré un bond de 79% par rapport au premier trimestre de 2005. Pour comparaison, le portail américain Yahoo, concurrent de Google, a enregistré une baisse de 21%, mais son chiffre d'affaires a quand même augmenté de 34%. Yahoo Go4TV, un logiciel lancé cette semaine en version bêta, permet à ses utilisateurs d'afficher sur leur téléviseur leur contenu média des sites de Yahoo, et même de planifier et d'enregistrer des émissions de télé avec leur PC. Donc, des contenus multimédia du site de Yahoo peuvent être vus sur votre télé. À partir de ce logiciel-là, on va pouvoir accéder aux contenus multimédia de Yahoo, notamment les photos de Flickr qui ont été achetées par Yahoo récemment, les vidéos et les stations de radio Internet de Launchcast, et les afficher sur un téléviseur. Yahoo Go4TV pourra aussi être utilisé pour parcourir les horaires de télé, pour programmer des enregistrements et les visionner sur un téléviseur. Mais dans sa phase actuelle, le logiciel s'adresse qu'aux internautes américains. Ça va sûrement arriver au Canada bientôt. SketchUp, un outil permettant de réaliser facilement des ébauches de bâtiments en 3D, utilisé notamment par les architectes, mais aussi grâce à son plugin d'exportation, l'outil de référence pour créer des bâtiments 3D pour Google Earth, tant et si bien que la firme de Mountain View, consciente du potentiel du logiciel, a racheté son éditeur Atlas Software. Donc Google avait racheté Atlas, qui font le logiciel de bâtiment 3D SketchUp. On se comprend. Donc, connaissant Google, on ne pouvait pas s'imaginer que l'éditeur n'allait pas en profiter pour sortir une version gratuite du logiciel. Eh bien, c'est fait. Google SketchUp, une version édulcorée de toutes les fonctionnalités réservées aux professionnels, comme l'exportation vers de nombreux formats comme le 3DS, le DXF, le OBJ ou la réalisation de vidéos, mais conservant heureusement la même interface intuitive de création de bâtiments. Donc, il faut, vous savez qu'à aller voir le site web, hein? SketchUp, allez voir ça sur Google. Et en plus de la version gratuite, Google propose la 3D Warehouse, un site communautaire qui regroupe les créations des utilisateurs. Allez télécharger l'adresse, n'est pas écrite sur l'article, mais la version gratuite est limitée à un usage privé et non commercial. Je mettrai le lien sur le www.cifu.ca/cnx. La raison qu'on honore Broche à fin comme ça, c'est qu'à 13h aujourd'hui, c'est le spécial fin de session 2006. Si vous écoutez en direct le jeudi, je vais animer ça. On va avoir de la bonne musique, on va avoir un paquet d'animateurs de Cifu. Ça va être super le fun, on va s'amuser. Mais avant ça, on continue avec la section pré-E3, parce que l'E3 2006 approche à grands pas au Los Angeles Convention Center à partir du 10 mai. Et bien, la connexion vous tient au courant avec le segment qui s'appelle pré-E3. On commence par la dernière édition du Official PlayStation Magazine, qui révèle de nouvelles informations concernant la PlayStation 3. Selon le magazine, le prix de la console de Sony, la prochaine console de Sony, va avoisiner les 400$ US. Un disque dur de 60 gigs sera fourni avec toutes les consoles et le design final de la manette et des jeux du lancement vont être dévoilés lors du E3 prochain au début mai. Finalement, les jeux de PlayStation 1 et de PlayStation 2 vont pouvoir se jouer dans les résolutions 720p, 1080i et 1080p. Et évidemment, il va falloir attendre le 3 pour en savoir plus. Il me semble que j'ai lu une mise à jour de cet article-là qui disait que les jeux de PlayStation 1 et 2 vont être joués par émulation et non pas natifs. Parce que la PlayStation 2 inclut le matériel de la PlayStation 1 à l'intérieur de sa console pour jouer les jeux, tandis que la PlayStation 3 va avoir un émulateur, ce qui risque de ne pas être très très bon. Il y a plusieurs compagnies qui ont listé, qui ont annoncé les jeux qu'ils allaient annoncer, qu'ils allaient être présentés à la E3 2006. On commence par Akella. La compagnie Akella est une des premières cette année à dévoiler la liste de jeux qu'elle présentera pendant le Electronic Entertainment Expo cette année. Donc, la liste est sur le site. J'ai les liens ici. Je vais essayer d'en lire au moins quelques-uns, si j'y trouve ici. La liste de Akella. Ça sent bien. Il y a des jeux comme Captain Blood sur PC et Xbox 360, Heavy Duty sur PC, Swashbucklers Blue and Grey sur PS2 et PC. Il y a un paquet de jeux que vous connaissez pas comme ça. Ensuite, il y a la compagnie Capcom qui a annoncé cette semaine la liste des jeux qu'ils vont présenter du 10 au 12 mai. Cette liste n'inclut pas certaines surprises potentielles comme Resident Evil 5, mais est quand même intéressante. Donc voici quelques jeux de Capcom qui s'en viennent. Okami sur PlayStation 2, God Hand sur PlayStation 2, Street Fighter Alpha Anthology sur PlayStation 2, Mega Man ZX sur DS, Mega Man Battle Network 6 sur Game Boy Advance et un paquet d'autres comme ça. Ensuite, il y a la compagnie Vivendi. Qui ont annoncé leurs jeux des surprises, dont The Legend of Spyro et Crash Boom Bang, deux titres qui n'avaient jamais été annoncés avant. Le reste du line-up est encore une fois sur le site, mais je peux nommer des jeux comme Miami Vice, oui, le jeu basé sur le film qui s'en vient sur PlayStation Portable, Time Shift sur 360 et PC, Caesar 4 sur PC et 50 Cent Bulletproof sur PlayStation Portable. Maintenant, les jeux de Square Enix. Donc, ils ont publié aussi leur liste. Pas tellement de surprises, mais une liste quand même pas si pire. La franchise Final Fantasy va être très très présente chez Square Enix parce que c'est leur grand vendeur. Des jeux comme Dawn of Mana sur PlayStation 2, Final Fantasy 12 sur PlayStation 2, Final Fantasy 11 Treasures of At-Urgan sur PlayStation 2, Final Fantasy 5 Advance et Final Fantasy 6 Advance sur Game Boy Advance, etc. etc. Il y en a, on dirait qu'il y a juste ça dans la liste. Des Mana et des Final Fantasy. Oh, tiens, le retour de Monsieur Jesse Millette. Toujours là? Oui, merci Bonjour. D'avoir ouvert mon micro. C'est gentil de ma part. J'avais un besoin naturel. Oh, j'aime ça. Et ensuite, il y a NCSoft, spécialiste en jeux massivement multijoueurs. La compagnie va emporter le studio complet à bouger, Jesse. Oh, excuse-moi. Fait ça. Excuse-moi, je m'installe. Excusez-moi, chers auditeurs de C'est fou. Fais comme chez toi. Donc, la compagnie va emporter quelques jeux récemment lancés comme Auto Assault et Guild Wars Factions et de futurs projets Aion, Dungeon Runners, X-Steel, Tabula Rasa, un paquet de choses comme ça. Ça va être quand même pas si pire. Je t'entendais parler de Miami Vice ouais. Lorsque j'étais sorti d'ici. Ça doit être intéressant. T'sais, pour le monde de ma génération qui a connu l'émission à la télé, ça devrait être style un petit peu grand, voyons, GTA. Je sais pas si tu peux contrôler individuellement la cravate et la moustache du personnage. Peut-être. Juste faire bouger la... Ça dépend si c'est une vraie stache. Une vraie stache. Une vraie, de vraie. Et on termine les derniers en lice à avoir publié leur prochain jeu. C'est THQ qui ont annoncé leur portfolio des jeux Nickelodeon, des jeux comme SpongeBob SquarePants et Nicktoons, mais aussi quelques nouveautés, même sur Revolution. Regardez-moi ça, c'est la liste la plus longue, celle-là. En tout cas, peut-être pas si longue que ça, mais il y a des jeux comme Avatar The Last Airbender, Barnyard, Unfabulous, Danny Phantom, Urban Jungle, etc., etc. On va en parler pendant le 3, qui se passe du 10 au 12 mai au Los Angeles Convention Center aux États-Unis. On vous tiendra au courant de ça. Mais d'ici là, nous, on doit se quitter pour la fin de la première heure parce que les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent dans quelques minutes. Et je veux quand même vous mettre un petit peu de musique dans l'émission pour pas être si plate que ça. Hein? Déjà dur à battre, t'sais. On va écouter une pièce de... Ça s'appelle Super Mario Bros. Mario's Tropical Paradise OC Remix de Dr. Fruitcake. Et ensuite, on aura le temps d'entendre Amiable avec Super Mario Bros. Soundcheck et Chris J. Hampton avec Super Mario Bros. Super Jungle Bros. OC Remix. Des noms très, très compliqués. Oui. Mais c'est de la bonne musique. Ben c'est excellent, ça. Pourquoi? Okay. C'est pas le nom compliqué qui fait l'artiste. Pas en tout. Ou qui fait le son. Non. Dans la deuxième heure, on va parler de GoGo Gadget avec des gadgets qui vont peut-être causer un petit peu d'envie. Quelques nouveautés en magasin. En attendant Ben Laden, seulement sur le net et les hauts et les bas. On fera ce qu'on a le temps de faire en une demi-heure. Et n'oubliez pas qu'à 13h, c'est le spécial fin de session 2006. Que de la bonne musique, que de la musique qui fait party, de la musique d'été, de la musique qui rock. La musique qui fesse. Qui fesse, ouais. Qui cogne. Qui frappe. Qui, j'en ai plus, moi. Là. Qui fait bouger. Qui déménage. Qui détermine. Qui détermine. Qui modifie. Qui est belle, qui est fine, qui est soignée. Un subjonctif présent de musique dès 13h si vous écoutez la diffusion originale du jeudi. Si vous écoutez le mardi, restez là, la deuxième heure s'en vient. Et ensuite, les nouvelles de Radio-Canada encore. Puis après ça, je pense que c'est DJ Shuffle. On vient tout de suite. Vous écoutez La Connexion à CF89 FM. Thank you. Bon retour sur la deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est toujours Mathieu Plante et le sien est toujours Jesse Millette. Hey, hey! T'avais encore oublié mon micro? Je l'oublie à chaque fois, je suis pas habitué, c'est ma routine, tu sais. Je suis arrivé trop vite, la dernière minute. Vous êtes dans le décompte officiel vers le spécial fin de session 2006 de C'est fou qui commence à 13h si vous écoutez la diffusion originale du jeudi, c'est-à-dire qu'il ne reste que 47 minutes. Et qui, sans se vanter, sera excellent. Et ça va être plus qu'excellent, ça va être excellent. Du rock, du québécois, du français, anglais alternatif. La musique de party qui frappe, qui cogne, qui gigue, qui danse, qui... qui foire. C'est de la musique qui tue. La musique qui foire. Dès 13h, si vous écoutez le mardi, vous êtes en retard, vous êtes une gang de losers, au revoir. C'est pas vrai, on vous aime, vous êtes fins. C'est pas drôle. Vous êtes fins. Le on mardi. Les aime, nos auditeurs. On aime tout le monde, nous autres. Et t'es-tu qui aime quoi aussi? Il y a la Morrissey qui adore Morrissey. Oh! Avec la pièce de Youngest Was the Most Loved. Tout de suite à la connexion à CF89.fm. Morrissey. Beau calembour. Mais ça. The youngest was the most loved. The youngest was the shielded. We kept him from the world's glare, and he turned into a killer. Retrusive nose, turned up and mischievous. Forget me not eyes that cried if we ever left his side. There is no such thing in life as normal. There is no such thing in life as normal. The youngest was the most loved. The youngest was the cherub. A small boy from a poor house who turned into a killer. A blushing rose, if he had to say hello. A lopsided grin, strain to keep the shyness in. There is no such thing in life as normal. There is no such thing in life as normal. The youngest was the most loved. The youngest was the cherub. Was up before him with a lovely wife beside him. The youngest was the most loved. The youngest was the cherub. We kept him from the world's glare, and he turned into a killer. There is no such thing in life as normal. There is no such thing in life as The youngest was the most loved à travers la Morrissey sur CF 89.fm. En Morrissey. En Morrissey. Donc, vous écoutez La Connexion. On parle technologie, informatique et jeux vidéo et on est toujours dans le décompte officiel vers le spécial fin de session qui se passe dans même pas 43 minutes. Hey, écoutez-nous après-midi. Là. On va tellement ça, le... Ça va le être un, on va le dire un trop blitz, souvent. Un blitzkrieg. Un blitzkrieg? Un blitzkrieg. Okay. Je crois, c'est la un accent allemand. C'est pas la petite sauce? C'est non, un blitzkrieg, c'est une attaque allemande. Ah, oui, Ashtwing. Oui, c'est vraiment une attaque à la vie et à la mort, je crois, hein, si je me trompe pas. Non, mais c'est ça qu'on va faire. Si je me trompe, vous pouvez m'appeler au 376-5183 me dire la vraie définition d'un blitzkrieg. Si vous écoutez en direct le jeudi, on va faire une attaque de bonne musique sur vous autres. Oui. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. À compter de 13h. Jusqu'à 18h ce soir. Oui. Ouais. Mais d'ici là, dans la connexion, c'est l'heure de la chronique GoGo Gadget, la chronique qui peut causer l'envie. Bien, vas-y, épate-moi, Mathieu. Dell a annoncé que l'ensemble de ses PC XPS 600 Renegade, édition limitée, ont tous été vendus en seulement 3 jours. On avait parlé la semaine dernière de ça, mais je vais vous rappeler quand même, la configuration réservée aux Américains était vendue à 10 000 $US pour un PC. Incroyable, 10 000 $US. Mon Dieu. Dell a refusé de préciser le nombre de Renegade réellement vendus, mais lors de la présentation de la configuration, le fabricant avait indiqué qu'il comptait vendre une centaine de configurations, mais d'autres sources indiquent que seulement 31 Renegade auraient été produits. Allez voir la photo et allez voir les specs. Les specs sont assez monstrueuses. Ah ouais? De cette affaire-là. Attends, je pense que j'ai les mêmes ici en arrière. Fait que vous pouvez regarder ça sur l'écran de votre radio, comme j'aime le disait Mathieu. J'aime toujours ça dire ça. Regarde bien, Pentium Extreme Edition Dual Core 4.26 GHz overclocké, écran LCD 30 pouces, Quad Dieu. Sli GeForce 7900, 2 GB de mémoire GDDR3, 2 GB de mémoire DDR2 667. Ça finit plus. Carte son, une Fatality. Ah, ça n'a pas de sens. Attends un petit peu, c'est parce qu'il n'y a pas de pomme dessus. Non, c'est pas un Mac. Les taux Apple Intel sont pas sortis. Fait qu'attendez, là, avant de vous lancer, là. Bon. Surtout que vous avez la chance avec la pomme d'avoir Windows et Mac OS X. On sait, ben, maudit prétentieux avec des maudits Mac. Moi, je déchire ça, cette feuille-là. Moi, je déchire ça. T'es encore pris, Mathieu, avec ton PC. Tu sais, je peux aller te booster, si tu veux. J'en veux un Mac, moi aussi. Un jour, je vais avoir l'argent pour. Tu sais que c'est pas achetable. Prochain gadget dans la chronique qui peut causer l'envie, qu'on appelle GoGo Gadget. Portable semi-étanche chez Panasonic. Panasonic vient d'annoncer la sortie prochaine d'un ordinateur portable waterproof, indifférent aux projections d'eau ou à la pluie. Le CFY5 est prévu pour le 19 mai prochain au Japon pour un tarif d'environ 265 000 yens, c'est-à-dire environ 1850-1800 $ américains. Il est équipé d'un revêtement spécial et d'un système de drainage qui évacue les liquides sans que ces derniers puissent atteindre les composantes internes. C'est excellent. Panasonic indique par ailleurs que son portable est capable de résister à une charge d'environ 100 kg et est équipé d'un processeur double-core Intel Core Duo à 1.5 GHz, un écran 14.1 pouces capable d'une résolution de 1400x1050 et un disque dur de 60 Go pour un poids d'environ 1.5 kg. Et pour un portable, on sait que waterproof ne veut pas dire qu'on peut plonger l'ordinateur dans l'eau, mais qu'on peut envoyer, mettons, un gobelet de café dessus ou quelques gouttes dehors, de pluie. C'est la table à pique-nique, tu mets à pleuvoir au parc Champlain. C'est ça. Tu peux continuer de le minutes, fermer, puis bon, il fait pas de bruit. Exactement. Ben, c'est excellent, même que ça devrait déjà exister. Ça devrait être comme ça partout, parce que c'est normal l'été de sortir avec ton portable. C'est ça que tu veux faire avec ton portable. C'est un portable. Portable, faut le porter quelque part. Ouais. On n'est pas tout en Californie, là. Mais justement, Panasonic qui avait été de l'avant avec les Walkman Shockwave à l'époque, qui étaient waterproof. En plus, ben, eux autres étaient vraiment waterproof. Ouais, ça, c'est, tu pouvais aller dans l'eau quand même. C'est ça. Puis, ils ont toujours eu des concepts comme ça, je trouve, sans dire avant-gardiste, là. Ben, avant-gardiste, dans le fond, parce que n'importe qui pourrait le faire, mais ils le font pas. Exactement, non, c'est une très bonne idée. Puis, ouais, l'innovation là-dessus, Apple, fait quelque chose, tu sais. Ouais, c'est ça. À l'épreuve des pommes, c'est pas top. Ouais. je veux rien à l'épreuve des pommes. Et comme si on avait besoin d'une autre façon de jouer des jeux de Game Boy Advance sur la Go, la compagnie Visteon va sortir un lecteur DVD qui a aussi une slot pour les jeux de Game Boy Advance. Ah oh ouais, c'est vraiment le fun. C'est on va voir, c'est un support Game Boy Advance qu'on va pouvoir voir d'autres façons, de façon inimaginable à l'E3. Je suis sûr qu'il va y avoir des nouveaux gadgets qui vont sortir là-bas. Mais celui-là, tout le monde peut jouer dessus. Je crois que le lien est sur le site. Je crois, mais je suis pas certain. Je crois. Faudra aller voir. Mais ça s'appelle GoGadget2.GBA DVD Player. Mais une bonne idée quand même d'intégrer des jeux vidéo à un lecteur DVD. Ouais, j'espère que les batteries sont pas trop faciles à drainer. Je me demande comment ça va fonctionner avec les droits de licence. Là. C'est vrai. Parce et que c'est ça. Pas licencié par Nintendo, ça. C'est pas ben, vrai. Ils doivent avoir pas, ils ont pas le choix d'acheter une mini-licence. Là. C'est quand même un lecteur DVD. C'est un petit peu. Ouais. Bon, on va sauter par-dessus quelques affaires pas trop intéressantes. Quelqu'un sur un forum a posté sa façon à lui de jouer online un DS contre un PSP. Donc, c'est quelque chose qui est codé en genre une fin de semaine, un code absolument broche à foin, mais qui fonctionne très bien. Allez sur le forum, il y a le code pour la PSP et le code pour la DS qui sont programmés là-dessus, et on peut jouer pour commencer à tic-tac-toe en utilisant le mode Wi-Fi. Donc, c'est un bon pas dans la bonne direction pour peut-être jouer à des jeux en réseau plus élaboré que tic-tac-toe un jour. On sait évidemment que les jeux sur PSP et sur DS sont pas pareils du tout, donc c'est possible de jouer l'un contre l'autre à la même version d'un même jeu, parce que ça n'existe pas la même version sur deux consoles comme ceux-là. Surtout une console avec un stylet, hein? On sait ce que c'est. Nintendo, c'est bien gentil, mais en même temps, ils se mettent Jesse, qu'est-ce que tu fais? Ça cognait à la porte. Ça cognait à la porte, c'est le fun de savoir. Tu l'as pas vu, tu vois, t'étais concentré. Ben, à peu près. J'ai été donner le service à la clientèle. C'est le fun. C'est pour ça. Maintenant, c'est l'heure des hauts et des bas de la semaine, parce que ce qui monte doit nécessairement redescendre. Voici les hauts et les bas. On commence par les bas. Le côté négatif de la semaine, la puissante industrie du disque, la RIAA, ou la Recording Industry Association of America, a apparemment commis une nouvelle erreur dans sa chasse aux sorcières sur Internet. L'association chargée de défendre les droits des maisons de disques américaines aurait effectivement déposé une nouvelle plainte contre une famille qui possède tout simplement pas d'ordinateur. La famille Walls est effectivement accusée d'avoir téléchargé des morceaux protégés par droit d'auteur sur Internet en utilisant un logiciel d'échange de fichiers. Elle a déjà, par le passé, attaqué une personne décédée et une mère de famille handicapée qui aurait téléchargé du gangster rap à 4h du matin. Félicitations à la RIAA. Suivant. À qui le tour, le prochain? On sait pas. On va voir. On ne sait pas. Peut-être un sourd. Hein? Peut-être. Hein? Peut-être une colonie de sourds. Peut-être. Qui télécharge de la musique gangster rap, j'aime ça. Toujours dans les bas. Microsoft planche sur une nouvelle version de son Windows Genuine Advantage, un logiciel de validation des licences Windows qui débloque l'accès à des logiciels gratuits supplémentaires ou aux mises à jour de Windows Update. On a parlé un petit peu plus tôt de ça, on a parlé aussi de Office Genuine Advantage, mais dans ce cas-ci, on apprend que Microsoft envisage exiger la validation de Windows Genuine Advantage pour tous les téléchargements proposés sur Windows Update, y compris les mises à jour critiques. Microsoft travaille sur une version qui va informer les utilisateurs de Windows si leur système est piraté par un pop-up. Ces alertes vont d'abord être destinées aux gens aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Malaisie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et lorsque l'outil va détecter une clé Windows piratée, le message va indiquer à l'utilisateur que le logiciel qu'il utilise est peut-être contrefait. Et l'utilisateur va pouvoir soit ignorer le message ou suivre le lien pour acheter une version officielle de Windows. Bien sûr. Et on rappelle qu'au début du mois, encore dans les plus bas, Microsoft a annoncé que l'interface graphique de Windows Vista va être réservé seulement aux utilisateurs qui ont une version légitime du système. Donc ceux qui vont pirater Vista, ils n'auront pas une clé validée, vont voir une version affreuse de Windows. Eh bien, puis ils ne pourront pas l'updater. Fait que finalement, ce qu'ils nous disent, c'est que la version officielle qu'ils vendent est de la chenoute. Ça prend absolument les service packs pour qu'ils deviennent beaux et qu'ils fonctionnent bien. Non, c'est que Windows Vista en tant que tel, quand tu vas l'acheter, mettons tu vas le pirater. Windows Vista, tu vas le graver, tu vas l'installer. Il va démarrer dans son mode beau. Mais là, après ça, Windows va aller checker sur Internet, voir si t'as une clé validée. Et sinon, boing, t'es bloqué, tu te ramasses avec un Windows normal, avec aucun skin, aucune beauté, aucune belle apparence. Ce qui te permet juste d'aller downloader ou acheter le vrai. Parce que dans le fond, s'ils couperaient l'accès totalement au système d'exploitation... Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Ils veulent quand même que les gens puissent aller l'acheter. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, j'imagine que tu vas pouvoir aller sur un petit magasin en ligne, acheter ta licence, et à partir de là, ta clé va être validée, donc le skin Aero va revenir dans Windows Vista. J'avais entendu que c'était seulement pour le Windows Media Player, mais ça se pourrait que ce soit pour Windows au complet, en tout cas. Un autre bas, le dernier bas de cette semaine, le 30 mars dernier, le Bureau américain des brevets a publié le texte d'une demande de brevet déposée par Philips, le fabricant d'électronique, qui s'appelle « Appareils et méthodes pour empêcher le changement de chaîne pendant l'affichage d'une publicité ». Le brevet concerne évidemment pas la télévision en général, mais plutôt les programmes capturés grâce aux enregistreurs numériques, un peu comme Cogeco. OK. La télé pas sur demande, mais que tu peux enregistrer des émissions et les regarder plus tard. Donc, en utilisant les signaux qui sont transmis dans les publicités, parce que chaque publicité a un petit signal pour dire quand la publicité démarre et termine, Philips sera en mesure d'empêcher un tuner TV de changer de chaîne ou un enregistreur numérique d'avancer dans le programme pour que l'utilisateur soit forcé, à moins de détourner les yeux ou d'éteindre son téléviseur, de regarder la publicité jusqu'au bout. Philips souhaite qu'un message apparaisse lors du blocage pour que les utilisateurs ne croient pas leur appareil bon acheté. Pour pas que les gens pensent que leur système est fini. Ben, c'est juste stupide. Je jetterai jamais Philips, tu sais, jamais. Par rapport à ce que tu viens de dire. Non, tout à fait. Moi, si ça arrive, je vais voir le représentant de Philips. Mm-hmm. J'y donne un coup de beigne. Cool. Cool. C'est violent. Ouais. Non, mais là, franchement, d'être obligé de un coup de bain. Obliger le monde à regarder une pub, c'est ridicule. Ridicule. Mais encore là, on sait qu'un dépôt de brevet, ça ne veut pas nécessairement dire que la technologie va être massivement utilisée ou même utilisée du tout. Mais bon nombre de fournisseurs de contenu pourraient être tentés par cette aventure-là. Intéressés à payer cher pour avoir le brevet et ensuite l'appliquer. Ah, ça, c'est vraiment le bas de la semaine. Mais par contre, non, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. J'allais juste dire, merci beaucoup, Philips. Ouais, merci. Innovation, on a mieux Panasonic finalement. C'est ça, en fait, du tantôt. On n'achètera plus jamais des produits. Vaut mieux d'être waterproof que d'obliger le monde à faire ce qu'il veut pas. En même temps, ça veut pas dire que Philips est mauvais. C'est peut-être juste que Philips sait que ça serait populaire et qu'il ferait de l'argent avec, donc ils sont peut-être juste à l'argent. Ils sortent le brevet en fonction de. Mais le haut de la semaine cette semaine, parce qu'il y a des bonnes nouvelles là-dedans, Afin d'enrayer le piratage des films qu'elle distribue, la société Warner Home Video vient de mettre sur pied une expérience inédite. Elle va commercialiser en Chine un DVD original du film Aviator à un prix à peine supérieur à celui des copies illégales qui inondent le marché chinois, c'est-à-dire 1,50$. Pour atteindre ce prix, quelques concessions ont été pratiquées, évidemment, et le film perd, par exemple, son boîtier pour se retrouver dans une simple pochette de carton, et il n'y a pas de bonus. Mais, évidemment, on sait que sûrement que bon nombre de consommateurs occidentaux seraient tout à fait partants pour acheter des films à 1,50$, même s'il fallait se contenter d'une pochette en carton et d'un film sans bonus. Très, très, très, très bonne idée. Oui. Excellent. Moi, en tout cas, si je pouvais acheter mes films en qualité DVD, même sans bonus, au pire, télécharge juste les bonus sur Internet, tu sais, à la place du film. Oui, ben oui. Puis là, je pourrais avoir la copie directement d'un DVD pour 1,50$. Je serais partant et fort à part de ça. Je serais tout le temps en train d'en acheter. Oh oui, moi aussi. C'est bon, c'est une bonne idée. Ben oui, rendu là, c'est comme un Apple Music Store, mais de films. Là. Absolument. Puis j'en achèterais plein, moi aussi, fuck les extras puis tout ça. Là. Absolument. Puis l'expression. Fuck la pochette aussi. Oh, c'est ça. Mais là, quand je dis fuck, je dis P-H-O-Q-U-E. Là. C'est ça, c'est comme un animal domestique. Je pourrais dire lion l'idée. Là. C'est ça va mieux dire fuck l'idée. C'est chaton l'idée. Hein. Ça sent mieux au Québec. Ouais, c'est bien. Mais la comparaison avec iTunes est bonne, excepté que sur iTunes, quand tu télécharges un film, il est en qualité toute petite oh, oui, de ben télé. Oui. Tandis que là, si tu avais le DVD, c'est une qualité de DVD avec du son. Son DVD, de l'image en DVD. Vap, puis du son DTS. Là, Surround, mais oui. Aussi. Ça t'entoure. J'aime ça. Très, très bonne idée. En tout cas, donc, c'est les hauts et les bas de la semaine. Pour voir les articles, www.cif.ca/. C'est NX. Excuse. Non, je comprends. C'est correct. Je regarde à l'heure. Oui, je comprends ça. C'est parfaitement compréhensible. T'sais. C'est un rien de mal à ça. Je te blâme pas pour ça du tout. Ben là, c'est mieux que si je lirais le journal. Écoute. Ah, c'est faux! C'est vrai. On s'en va en publicité. Il nous reste... Ah, attends, j'avais encore le chronomètre ici pour voir le décompte officiel. Il nous reste 31 minutes avant le début du spécial fin de session. T'as mis un décompte? J'ai un décompte. Mon Dieu. La bombe va exploser dans vos oreilles à partir de 13h. Jusqu'à 18h aujourd'hui. Ça va être super bon. Hey, il ne manque pas le spécial à partir de 13h sur CIFO 89.1. Spécial non-stop. Ah, musique ouais. Dans vos oreilles. Ouais. 30 minutes. Non-stop. Non-stop. C'est le Blitz. Mais avant, au retour, on termine les affaires rapidement. On va sauter par-dessus un paquet d'affaires pour passer de la musique puis se préparer pour le spécial fin de session. Donc, au retour, à la collection, les nouveautés en magasin et le mash-up. À la collection, on parle technologie informatique et jeux vidéo sur CIF 89.fm. Bon retour, c'est la dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo sur CIF 89.fm. Mon nom est Mathieu Plante et le sien est toujours Jesse Minette. Le patriote du Québec. Le seul et unique patriote de CIF. Ouais, je pensais que t'allais dire du Québec. Non, il y en a plusieurs, mais je ne crois pas. Il sera de retour cet automne sur les ondes de CIF. Oui, avec une nouvelle recette de 2 heures et nous allons séparer plusieurs blocs de discussion dont j'aurai ma chronique de 15 minutes. Guillaume aura la sienne d'environ 10-15 minutes. On a notre ami Guillaume... Tommy Grenier qui va probablement préparer une chronique sur différents sujets d'actualité. Mm-hmm. Et le tout agrémenté toujours de 100% de musique québécoise. De bonne musique au chant du patriote cet automne dans une case horaire à déterminer. Je vais être totalement installé dans mon nouveau chez moi, fait que je vais pouvoir ripper des vinyles qui n'existent pas en CD. Fait que je vais pouvoir découvrir des chansons québécoises d'autrefois qui sont excellentes et qui n'auraient jamais dû disparaître. On te retrouve cet automne et évidemment, on t'écoute tout l'été avec moi dans la collection quand tu seras là. Le plus souvent possible, mon cher. Le plus souvent possible. Si j'ai rien, c'est sûr que je vis. Magnifique! Donc, on va retourner avec un petit peu de musique parce qu'on a besoin de ça ici à la collection. Pour vivre. On a besoin de ça pour respirer, pour vivre, c'est vrai. C'est besoins nécessaires de la vie. C'est comme le sang de la radio. Et le décompte dit qu'il reste officiellement 24 minutes. Ah, je commence à être stressé. Donc, restez là. La chasse-galerie commence à se remplir. Sans doute, il y a des filles avec des pancartes qui scandaient ton nom. Ah, ouais, dans mes rêves. Écoutez la collection à CIF 89.1 FM. Dash.com. pourrais vous montrer comment fabriquer des bombes artisanales. Je pourrais vous apprendre à parler le langage de chaque animal. Je pourrais vous dire c'est quand la fin du monde et quels numéros vont sortir à la loterie. Vous expliquer pourquoi les glaciers fondent. Vous prouver que Jésus a eu une femme et un bébé. Vous mettre sur le cul, vous balancer vos quatre vérités. J'oserais même dire que j'ai tout vu, tellement j'ai voyagé, tout entendu. Mais je dois avouer que je comprends rien à vos amours quand vous vous lancez des assiettes. Je comprends rien à vos discours quand vous vous gueulez par la tête. Je comprends rien à vos détours quand vous savez le chemin direct. Je comprends rien, ça me joue des tours. J'ai peut-être besoin de lunettes. Je pourrais vous faire des copies de la clé du bonheur, vous faire une mise à jour, mettre vos pendules à l'heure, vous montrer comment vous y prendre et les raccourcis pour vous rendre à Rome, à Katmandou, à Robertval, en enfer ou ailleurs. Je pourrais vous donner des chiffres et des statistiques, ouais, craquer n'importe quel système informatique, expliquer tout, des tsunamis, le Big Bang, le sens de la vie et de la mort aussi, mais ça s'arrête ici. Car je comprends rien à vos amours quand vous vous lancez des assiettes. Je comprends rien à vos discours quand vous vous gueulez par la tête. Je comprends rien à vos détours quand vous savez le chemin direct. Je comprends rien, ça me joue les tours. J'ai peut-être besoin de lunettes. Je me sens comme un fumeur qui aurait pas d'allumette. Un fruit sans saveur pour décorer l'assiette, comme un diplôme inutile accroché dans le salon, un tracteur en pleine ville dans le temps des moissons, comme un capitaine d'équipe éliminer l'armée américaine sans guerre à déclencher. Je suis un savant décevant. Un génie décalé, un savant décevant, un génie décalé. Des assiettes, je comprends rien à vos discours quand vous vous gueulez par la tête. Je comprends rien à vos détours quand vous savez le chemin direct. Je comprends rien à vos bonjours quand vous vous battez pour des miettes. Je comprends rien à vos amours. Je comprends rien à vos discours. Je comprends rien à votre humour. Je comprends rien, ça me joue des tours. J'ai peut-être besoin de lunettes. Jesse, je te comprends pas. Pourquoi? C'est pas, je te comprends pas. Comment ça, tu me comprends pas? J'ai peut-être besoin de lunettes. Ah! Tu m'as pas vu venir partout, tu pensais que je te comprenais pas pour vrai, hein? Ouais. Hydro! Ça aurait pu arriver. C'est vrai. Et il reste environ 23 minutes avant le spécial fin de session de C'est Fou! Une édition spéciale de. Peu importe l'émission, dans le fond, c'est pas une émission spéciale. C'est juste une émission spéciale, mais pas une édition spéciale d'une émission en particulier. Non, non. Hein? C'est une émission spéciale de fin de session pour tous les étudiants. Il fait super beau, il recommence à faire chaud un petit peu. Il y a des filles, on va être en diffusion à la Chasse-Galerie. On est en plein dans l'aquarium de la Chasse-Galerie. Si vous voulez venir nous voir, on va faire un beau petit ménage pour vous autres. Ça va être super cute. On va s'amuser avec vous jusqu'à 18h, de 13h à 18h. Aujourd'hui, si vous écoutez le jeudi, on est le 27 avril 2006. Si vous écoutez le mardi, restez là parce que DJ Shuffle va prendre ma place dans quelques minutes. On continue l'émission de cette semaine de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique, de jeux vidéo et de crêpes. Oui. Avec bonne crêpe aussi, héros. Amateurs de destruction, préparez-vous puisque le nouveau Rampage arrive dès cette semaine sur GameCube et PlayStation 2. C'est le jeu préféré de la chronique en magasin cette semaine. On commence. Rampage 3D? Rampage. Ah ouais. C'est spécial. C'est le fun, hein? La vieille version refaite. Ouais, c'est ça. Ah ouais, nouvelle version. Beau. On commence par les jeux qui sortent sur plusieurs consoles. Sur PlayStation 2, Xbox 360, Xbox, GameCube, DS et PC de Electronic Arts, le jeu de soccer FIFA World Cup 2006. Le jeu de course d'arcade OutRun 2006 Coast to Coast sur PS2, Xbox et PSP de Sega. Le jeu d'action Rampage Total Destruction sur PlayStation 2 et GameCube de Midway. Le jeu de billard The Hustle Detroit Street sur PlayStation 2 et Xbox de Activision. Et le shooter à troisième personne Winback 2 Project Poseidon sur PlayStation 2 et Xbox. Winback 2. Hey, c'était bon ça au Nintendo 64. Ah! T'es un policier de... Comme, un special host, là, je sais pas comment dire en français. T'avances, puis c'est un petit peu... Le nouveau Resident Evil 4, la maniabilité dans le jeu, ils ont comme copié ça de Winback. Ah, OK. C'est totalement pareil. La visée, là, c'est la même chose. Fait que c'est vraiment la troisième personne, t'avances. Pourquoi ils ont changé le concept de Resident Evil pour ce jeu-là? Moi, j'ai qu'il y avait une baisse de popularité par rapport que... T'as toujours intrigué. Ben, c'est parce que les contrôles, là... Faudrait que je te fasse essayer les vieux Resident Evil. Les contrôles vont vraiment mal, dans le sens que en haut, c'est toujours l'avant du bonhomme. J'ai déjà essayé toujours. C'est Dino Crisis aussi. Mm-hmm. Ben, c'est correct. Quand t'es habitué, là-dessus. Mais c'est parce que tu restes pris dans les coins. Mm-hmm. Plus les plans de caméra de Resident Evil, qui est un autre défaut. Mm-hmm. Fait qu'avec le mode de Resident Evil 4, qui ont copié un petit peu sur Winback, mais c'est très maniable. Aussitôt que tu pèses sur L ou R, là, tu locks, mm-hmm. ça change de côté. Fait que c'est vraiment plus du 3D. T'es d'un univers 3D. Puis pour viser, c'est incroyable. Là. Mm-hmm. Tu l'as sûrement déjà vu. Ouais. En tout cas, ça va bien, tu sais. Mm-hmm. Parce que t'as toujours le devant, il est toujours devant toi. Ouais. Tandis qu'à l'autre, tu pèsais sur R, puis il lockait tout seul sur le bonhomme. Okay. Sauf que s'il lock, puis que le zombie continue à avancer, puis il tasse vers la gauche, mais le fusil ne suivait pas le zombie. Okay. Fait que là, tu continues à tirer. Puis là, vu que tu vois pas le zombie, mais là, ça change de plan de caméra, tu te rends compte que tu viens de gaspiller 13 balles dans le beurre. Okay. En tout cas. Donc, je serais sûrement pas un fan de Resident Evil, surtout pas les anciens avec ces genres de contrôles-là, ça m'irait pas du tout. Ben, peut-être que t'embarquerais dans l'histoire. Peut-être. On continue les nouveautés en magasin cette semaine avec les jeux qui sortent sur PC. Le jeu de stratégie en temps réel Black and White 2 Battle of the Gods de Electronic Arts. Le jeu d'action-aventure Call of Cthulhu 2 Dark Corners of the Earth de 2K Games. Le jeu de rôle Guild Wars... T'as mis avec mon anglais. Guild Wars Factions de NCSoft North America. Le jeu d'aventure Paradise de Ubisoft. Le shooter Shadowgrounds de Meridian 4. Et finalement, le jeu de rôle Spellforce 2 Shadow Wars de Asper Media. Sur PlayStation 2, le jeu de simulation de Jet... Ace Combat Zero The Belkin Wars de Namco Bandai, le jeu de rôle Atelier Iris 2 Azoth of Destiny de NIS America et un autre jeu de rôle Metal Saga de Atlus USA. Et pour terminer sur DS, trois jeux, un jeu de combat 2D, Guilty Gear Dust Strikers sur Majesco. C'est difficile de faire des acronymes avec les lettres DS. Hein? Ouais. Il y a beaucoup de compagnies qui le font. Dual Screen de Drill Spirit. Dust Strikers, à un moment donné, tu commences à manquer de mots qui commencent par des paresses qui vont ensemble. Le jeu de rôle Lost Magic de Ubisoft et le jeu de simulation de Jet Top Gun de Majesco. Ah oui, ouais. Le jeu de simulation. Ben oui. J'avais essayé le jeu de simulation de Rocky. C'était drôle. C'est vraiment drôle. Ouais, facile à faire, mais c'était très drôle. Okay. Donc, je me dis que Top Gun, c'est peut-être la même chose. Dans les jeux cette semaine, est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque vraiment? Non. Moi non plus. Malheureusement, non. Ben, peut-être, bon, les 3D shooters, c'est pas mal. Tout le temps la même affaire, là. Tu m'intrigues par ton Rampage de tantôt. Ben, moi aussi, je l'essaierai à la limite pour Black voir. Black and White, ça, le premier avait l'air intéressant comme concept, donc peut-être que le deuxième est bon aussi. J'ai jamais vu ça. Je pense que tu joues les dieux, là. Moi, c'est vraiment Oblivion. Tu peux faire. Ouais, Oblivion. Oblivion. Oblivion. Oblivion. Oblivion. T'es donc ben bilingue. Ouais, mais ça, c'est pas bien. Ouais, bilingue. Oblivion, moi, qui m'intéresse. Comment? C'est Oblivion qui m'intéresse. Ok, ben c'est cool. On va retenir ça. C'est la semaine passée. Ouais, c'est le fun! On va sauter par-dessus tellement d'affaires que vous allez même pas le croire. Le reste des liens, je vais les laisser. Je vais essayer de les laisser du moins sur le www.cfou.ca/CNX parce que je vais mettre un petit peu de musique pour préparer le spécial fin de session qui s'en vient à 13h aujourd'hui. Si vous écoutez en direct, ça va être tellement excitant. Je peux même plus me retenir tellement que j'aime ça. C'est le fun! Il y a au moins 300 personnes qui attendent dans la chaise galerie. Ben oui, ils sont juste là pour ça. Ben oui, ben, y a ça qui pogne puis il y a les séries de hockey. Okay. Ben tiens, j'ai un petit test à te faire faire, ok? Rapidement. Vas-y. Comme ça. Okay. Donc, je te montre des images. Je sais pas si tu les vois d'ici, oui. Attends, je vais descendre mon micro. OK. Mm-hmm. Technicien, merci. C'est ça? Ben oui, c'est ça. C'est le fun. Et là, tu dois deviner, mais pas deviner, mais dire c'est okay. Quel personnage. Le premier en haut, c'est okay. Balloon Fight. Balloon Fight, OK. Le deuxième d'ici, je le vois pas. Donc, tu as juste à rentrer ça. Et non, tu vois, la case devient verte si tu l'as. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on te présente un sprite, une image d'un personnage à gauche. À droite, t'as une case, tu dois écrire le nom dedans et à la fin, tu soumets et tu vas avoir ton score. Évidemment, on les fera pas au complet parce que ça prendrait super longtemps. On a déjà essayé de faire des tests comme ça à la radio, ça marche jamais. T'as juste à me demander lesquels. Bon, ici, on voit le Dodo Dongo de Zelda. OK, OK. Mm-hmm, mm-hmm. Puis ça, mettons le petit fuck ici, c'est quoi ça? Oh boy. Avec j'ai aucune courant. Idée, Mathieu. Hein, tu vois, c'est difficile. Le hein? R, c'est dans Contra, ça veut dire rien. Ah! Tu retombes à l'arme de base. Rien, ben oui, c'est sûr que c'est rien. Le parapluie, c'est dans Donkey Kong qu'on a joué l'autre jour. Là. C'est vrai, mais oui, c'est le fun de faire traditionnel 1. Le petit chien, c'est... En tout cas, allez voir, ça s'appelle 8-Bit Le petit bonhomme bleu, je crois, c'est dans Kid Icarus. Ah oui, puis le petit Mario, c'est dans Mario Golf, non? Non, mais non, c'est dans Punch-Out. OK, on s'en fout. 8-Bit Gamer Test, allez voir ça. C'est sur le cnx.cfou.ca. On a du fun, pareil. Tu vois, je suis un pop et geek. Ben, j'aime ça, mais je te trouve très, très bon, sérieusement. Ben, merci. Le site strategywiki.net, c'est un Wikipédia. Tu connais Wikipédia? Oui. L'encyclopédie en ligne que tout le monde peut éditer. Eh bien, StrategyWiki, c'est un autre wiki, mais de jeux. Parce que, bon, un wiki, c'est un logiciel et il n'y a pas juste Wikipédia dans la vie. Tu peux avoir des wikis n'importe quoi. Donc, StrategyWiki. Et ici, sur celui-là, ça parle de jeux vidéo. Tu peux aller, mettons, voir un des jeux de Zelda que tu aimes beaucoup. Tu peux y aller par système, tu peux y aller par genre de jeu. Il y a présentement 439 articles. Vous pouvez y aller par ordre alphabétique. Mettons Dance Dance Revolution, tiens. il va y avoir une page d'information avec non seulement des photos, des informations, des codes, des liens, des faits divers sur la sortie du jeu, des paroles de chansons. Il y a tout là-dessus. C'est, des cheats. C'est encore mieux que GameFAQs. C'est encore mieux que Wikipédia. Ah, c'est oui. Génial. C'est magnifique. Parce que GameFAQs, ça fait quand même la job. Ça fait très, très bien la job. Depuis qu'ils sont associés avec GameSpot, ils ont encore plus d'informations. Ben, jeuxvideo.com, je l'adorais avant jusqu'à temps qu'ils refassent l'interface. Mm-hmm. Comme l'autre jour, comme je te disais, je suis arrivé pour certains jeux, dont Metroid Fusion ou Game Boy Advance. Mm-hmm. Mais ils expliquaient que qu'est-ce que ça faisait si tu finissais le jeu en tant de temps ou si ou ça. Okay. Moi, c'est pas ça que je voulais la soluce complète. Ouais. Où aller, quoi faire. Je comprends ça. Le site touchmyds.com, c'est un site de gens qui postent leurs photos parce que vous pouvez vous aussi poster la vôtre de vous en train de jouer avec un DS ou en train de le toucher d'une façon bizarre. J'imagine. Mais rien de sexuel, par exemple, Jesse. Oh, rien de sexuel. J'avais même pas pensé à ça, Mathieu. Pourquoi tu me fais passer? Parce que, je sais pas. Tu joues sa politique, pas sa porno. L'émission de porno, c'est à 6h à soir, là, l'affaire de funk sexy. Là. Et là, Donc, les images doivent être approuvées avant d'être soumises sur le site. Mais si tu cliques sur la photo, tu peux aller directement à la suivante. Comme ici, ah, ça c'est beau, ça, j'aime vraiment ça. C'est un genre de. Ah, les personnages de Jay and Bob, Jay and Silent Bob, une genre de PF qui tient un DS. Dans des caisses chez mes parents, j'ai encore des vieilles figurines qu'ils donnaient chez Wack Ronald dans le temps de Mario 3. On pourrait faire de quoi avec ça? Ça serait hey, vrai. Je te les achèterais, moi, ces figurines. Ben, va aux artisans de paix, il y en a tout le temps. Au village des valeurs. Oh, il y a des sacs de jouets à une pièce, il y en a plein dedans. Ils avaient toutes l'autre fois. Il y avait toutes les schtroumpfs, il y avait toutes les passe-partout. Ah, j'y veux, toute la gang. Hey, je sais que c'est un petit peu difficile pour moi d'arrêter l'émission tôt parce que j'ai tellement d'affaires à faire, mais j'ai un autre test ici. Est-ce que tu connais bien tes bruits de console? Tu veux dire? Ben, écoute, je vais te faire écouter des bruits. C'est des bruits de ventilateur et de lecture de disque. Okay. Et tu dois me dire, c'est quelle console? Ben, vas-y. Okay? Je suis capricieux. Si t'es si geek que ça, tu devrais l'avoir. Hein? On va essayer ça. On commence par le premier son, tiens. Console number one. Un petit peu. Puis, attends un petit peu. Oh boy, ça c'est un PlayStation, ça on écrache de même. Non? Ok. C'est un PlayStation? Attends, je suis en train d'aller voir ça ici. Ça sonne le cul, fait que c'est PlayStation, là. Les petits mimes qui veulent rien dire. Je sais que le GameCube, mais en fait, les mimes, mais là tu vois que c'était vraiment trash dégueulasse. Ok, c'est sûr, attends, c'est pas GameCube. Je l'ai dessus ici. Spoiler, ok, je l'ai. Donc le premier c'était la Xbox. C'est quoi t'avais c'est dit? La Xbox. Ouais, c'est la Xbox. Bon, Xbox fait pas ce son-là, mais je le reconnais très bien. Au son. Les réponses sont plus dures à avoir que je pensais. Deuxième console. Console number two. Mon Dieu, c'est pas évident. Là. Pas facile, hein? Mais c'est pas... Ouais, attends un petit peu, là. PlayStation. Ouais, c'est la PlayStation 2, la version mince de la PlayStation 2. Oh, ouais, ben ouais, je l'ai fait. OK, la troisième. Console number three. Bon, tu l'auras jamais, celle-là. Ouais, surprends-toi. C'est Sega CD. Non. Ou Sega Saturn. C'est la Xbox 360. Ah, ben là, tu sais. Je savais que tu ne l'avais pas. Et la quatrième. Il maudit, ça fait du bruit. Sur un avion. Une tondeuse. La quatrième. Number four. Ah, ça roule bien, ça. C'est GameCube. Vrai. GameCube. Hein? C'est ça? GameCube. Ben ouais, je le savais tout. C'est là. T'es bon. Parce que c'est la console qui fait le meilleur son. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai remarqué quand que j'en avais un dans le passé, mais je jouais. Puis, c'est drôle les petits sons, hein, des fois. C'est drôle que tu dis. C'est comme l'autre jour, c'est quoi qu'on parlait donc par rapport à une manette de console? En tout cas, on s'est mis à déblatérer sur des choses. Tu sais, qu'il y a vraiment un maniaque pour remarquer une manette, genre, ah, ça va pas bien à cause de. Tu sais, les petits clics que tu peux faire. On parlait du L puis du R sur la manette de GameCube. Ouais. Que si tu pèses trop fort sur R. Mm-hmm. T'es trop dans l'action, mais il bloque comme. Ouais, c'est vrai. Qu'il... Là, ouais, non, ça c'était le joystick. Le joystick, c'est tu peux tirer dessus. Oui, puis repaiser. Repaiser dessus. C'est le fun de faire ça. C'est un des tics que j'ai. C'est le fun. Donc, ça, c'était des affaires qu'on avait trouvées sur le net. Il y a quelques jeux. J'ai posté des jeux qui s'appellent Find the Bug, In the Pit et Sudoku Craving. Pour ceux qui adorent les Sudoku, encore un autre site de Sudoku qui est vraiment très, très bien fait, celui-là. Le jeu est fait en courbe, donc je trouve ça mignon comme ça, c'est même plus beau. Et tu peux cliquer dans la phrase et entrer un chiffre. Et le chiffre va être... à la fin, tu peux confirmer ton affaire puis voir si t'as des bonnes réponses et t'as du temps. Ça revient moins cher comme ça aussi. Pas mal moins cher. Sauf qu'il y a du monde qui vont faire ça au bureau. Et je crois que c'est les gens qui décident le niveau de difficulté. Je crois que c'est... celui-là, c'est une difficulté médium, jeu numéro 16, 28 avril 2006. Je crois que c'est un nouveau site assez récent. C'est sudokucraving.com. C'est génial. In the Pit et Find the Bug. Je vais vous laisser les découvrir par vous-même sur le site ocfou.ca/CNX. Et que ça me tente vraiment d'aller en musique. Il me reste plein de choses à faire. Peut-être les garder pour une autre semaine. On, ou peut-être, on s'en reparlera cette prochaine. Peut-être les oublier. On va aller en musique et au retour, dans 10 minutes même pas, le décompte est officiel. Dans 10 minutes, c'est le début de l'émission spéciale fin de session de C'est fou. Si vous écoutez le jeudi en direct, ça commence à 13h. Et je vais t'accompagner, mon cher Mathieu. Ouais. Et je vais même, tant qu'à y aller, tout de suite fermer l'émission, officiellement. Bon. Donc, c'est tout pour l'édition numéro 117. Moi, je te laisse pour ce 10 minutes. Merci. Je vais aller continuer de préparer ça. Moi, je vais mettre de la musique pendant ce temps-là. Vous allez vous amuser. Bien, on va se préparer. Donc, je rappelle que les liens, le MP3 de l'émission et les informations nécessaires pour nous rejoindre sont au cfou.ca/CNX. Je remercie Jess Millette qu'on retrouve à l'émission Le Chant du Patriote cet automne. Moi, je vous retrouve dans La Chance au coureur les vendredis à 11h ou les mardis à 13h. C'est une émission qui découvre les nouveautés musicales. Je co-anime aussi les Palmarès C'est fou les vendredis soirs à 17h. N'oubliez pas que la connexion est diffusée en direct les jeudis à 11h et en rediffusion les mardis à 10h. Si vous écoutez le jeudi, encore une fois, je vous rappelle qu'il faut rester là pour la programmation spéciale fin de session 2006 que j'anime à partir de 13h. Si vous écoutez le mardi, restez là pour DJ Shuffle. Et ceux qui n'ont pas eu le temps de retenir tout ça, allez évidemment sur le cfou.ca. Les informations sont toutes là. On se retrouve la semaine prochaine pour la 8e session de la connexion. Mais d'ici là, de la part de toute l'équipe, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance. Trash.com. J'aurais pas voulu te faire ça. toi. Pardonne-moi, excuse-moi. Thank you. millions de tonnes, c'est le même sujet. 4 millions de tonnes, on n'arrête pas le projet. 4 millions de tonnes.